le monde, évidemment, sont en manque de hockey. Quelle initiative de TVA Sport? Les gens sont durs envers TVA Sport, mais là, faut leur donner crédit depuis quelques matchs et depuis quelques jours, ils présentent de vieilles rencontres avec les commentateurs du temps. Et hier, c'était le match du 15 décembre 1988, alors que le Canadien affrontait les Nordiques au Colisée de Québec. Victoire des Nordiques 6 à 4. Et mon collaborateur Marc Fortier avait marqué un but dans cette rencontre-là. Et non seulement il avait marqué, mais c'était un match quand même avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Parce qu'on apprenait juste avant le match, moi je me rappelle de cet événement-là, que l'entraîneur des Nordiques à l'époque, Ron Lapointe, avait appris en après-midi qu'il était atteint d'un cancer. Donc c'était son dernier match et c'est Jean Perron qui l'avait remplacé. Et question de savoir un peu quelle ambiance régnait lors de ce match-là. On en parle avec Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, évidemment, tu t'en rappelles, t'étais évidemment dans la rencontre, et non seulement tu t'en rappelles, mais tu avais marqué un très très beau but. Dis-moi, l'ambiance qui régnait avant la rencontre. Ben, écoute, Danny, c'est sûr qu'il faut revenir de 32 ans passés, là. Je me souviens pas tout par cœur de qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée-là, mais je me souviens très bien, par contre, que avant le match, justement, on avait su que Ron Lapointe, là, qui était notre entraîneur et qui était un entraîneur très, très, très apprécié des joueurs. Okay. On apprenait avant le match que Ron devait se battre contre le cancer et que ce soir, ce match-là, ce serait son dernier en arrière du banc des Nordiques. Alors, c'est sûr que la préparation avait été différente dans le sens qu'on savait qu'il allait avoir beaucoup d'émotions. On tenait tellement à gagner ce match-là. Le Canadien était sur une bonne séquence à ce moment-là. Nous, on connaissait une saison quand même assez difficile. On était transportés, à ce que je me souvienne, là, on avait été transportés par l'émotion et on était tellement contents d'avoir gagné ce match-là pour Ron. Et puis, ça avait été des beaux moments. Puis de revoir ça, ben, 32 ans plus tard, c'est sûr que c'est spécial. On s'aperçoit que le hockey a beaucoup changé, ouais, et surtout ouais. Beaucoup plus rapide. Mais quand même, là, c'était une époque différente. Et puis, c'est... Donc, Marc, de ce que, écoute, moi, je me rappelle très bien de ce match-là. Moi, j'écoutais les amateurs de sport dans le temps où Parlons Sport, c'était avec Mario Tremblay et Pierre Trudel. Puis on l'avait appris en après-midi. Il y avait eu des rumeurs qui avaient commencé à circuler en après-midi. Par la suite, ça avait été confirmé en début de soirée. Vous autres, c'est sûr, ça fait 32 ans, mais il y a toujours un speech d'avant-match. Est-ce qu'on en avait parlé? Bien, c'est sûr qu'on avait eu une rencontre là, dans la journée. Je ne me souviens plus exactement à quel moment de la journée là, qu'on avait rencontré Ron pour qu'il nous annonce la nouvelle. C'est sûr que, de ce que je me souviens, hein, c'est... T'sais, Ron, c'est quand même un gars qui était très orgueilleux, c'est un gars qui était très fier, c'est un gars qui était tellement aimé des joueurs. Puis il n'avait pas voulu jouer à la victime, que je me souviens. T'sais, c'était pas d'essayer de s'apitoyer sur son sort, ça avait été fait humblement. Puis c'est sûr qu'après, ben si tu te regardes, puis chacun des joueurs s'en regardait, c'est comme quand même un choc. Mais j'avais aimé la réaction qu'on avait eue. On était arrivé à ce match-là vraiment préparé, avec une grande émotion, même dans le Colisée, même si les gens n'étaient pas au courant, mais l'atmosphère du Colisée était tout le temps comme ça, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Les gens, c'était des maniaques des Nordiques. Il y avait une fièvre pour cette équipe-là. Alors, c'est sûr et certain qu'avec l'atmosphère qu'il y avait eu, en plus de l'émotion que nous, on avait dégagée sur la glace, là, ça avait donné une belle performance. OK. Hey, mais ça va être... Hey, je vois ça, 42 ans. Il est laissé là 42 ans, puisque le match hier est en 88. Donc, il l'a appris, il avait 38 ans. Et il est mort à 42 ans. Incroyable, pareil, comment il est jeune, comment c'était jeune à l'époque. Ouais, puis lui, il avait continué, hein. Il avait pu coacher Nordique, mais il s'était retrouvé, à ce que je me souviens bien, avec l'organisation des Canucks de Vancouver, je crois, comme dépisteur, là, ou bien, je me souviens plus dans quelle fonction qu'il était là, mais tu sais, puis finalement, ben la maladie, le cancer l'avait emporté. Puis quand tu regardes ça, là, dans cette époque-là, Pat Burns et non plus, c'était l'entraîneur. André Côté, le descripteur. André Côté, Gaétan Duchesne qui jouait sur mon trio, Gaétan, qui est lui à 45 ans aussi, est décédé. Fait que, quand tu revois ça, puis Tu vois des anciens coéquipiers ou des personnes que tu as côtoyées dans ta carrière, tu sais, ça faisait Ouais, spécial. ouais. Et puis Gaétan Duchesne qui était très en forme, semble-t-il, hein? Très, très, très bien. Il est mort d'une crise de cœur. Je te dis comment que c'est pas donné à tout le monde. Hey, Mario Gosselin, 5 pieds 4, 134 livres. Incroyable, hein, quand tu regardes ça. Aujourd'hui, en bas de 6 pieds, les dépisteurs les regardent même plus. Exact, exact. Hey, Mario, on le voit très bien. En plus qu'à cette époque-là, l'équipement, c'était pas les plus gros équipements qui existaient encore. Là, c'était pas des grosses jambières, c'était pas des grosses épaulettes. Alors les joueurs, quand ils étaient petits, ils étaient petits puis ça paraissait. Aujourd'hui, un petit gardien, ou plutôt un petit gardien en poids, je veux dire, là, il peut facilement se camoufler dans l'équipement et paraître quand même assez gros, alors que à cette époque-là, ça fonctionnait pas trop et on l'a très bien vu dans le cas de Mario, là, c'était vraiment pas un gros gardien, là. OK. Marc, bravo à TVA Sport. Comment tu vis ça, toi, là? Tu sais qu'on est en manque d'hockey, on est en mode nostalgie. Toi, tu penses-tu que l'hockey va revenir? Hey, Danny, je ben, le hockey, L'hockey va le revenir, c'est hockey, sûr, le mais hockey il va va revenir revenir, c'est comment sûr, et quand? exact. Il va revenir d'une façon différente, mais honnêtement, je ne le vois pas revenir pour cette saison, malheureusement. On est déjà là, rendu au mois d'avril. Écoute, on n'a même pas le remède encore de trouver le temps qu'il fasse les tests pour ça. Je pense qu'il faut se concentrer sur arrêter l'hémorragie. Hein, c'est ça qui est important, qu'on sauve des vies, qu'on limite le plus possible le nombre de victimes. Et puis c'est dans des cas comme ça que le sport passe secondaire. Et puis on espère vraiment qu'on va arrêter cette pandémie-là parce que c'est jamais vu, hein? C'est sûr que ça va passer à l'histoire. On est les deux pieds dedans, nous on le vit. Et puis c'est pas facile d'être confiné chez soi puis de devoir espérer de bonnes nouvelles avant de pouvoir espérer sortir de la maison, faire quelque chose. C'est pas facile. Surtout pour le monde qui aime ça, être très, très actif. Alors, il faut prendre notre mal en patience, mais je serais surpris, Danny, que le hockey et que le sport en général reprennent là, dans les prochains mois. Ah, moi, je vais te dire une affaire. Peut-être même au début, j'étais confiant pour l'été. Je pense que le tennis puis le golf pourraient partir plus vite parce qu'ils sont au grand air. C'est un sport individuel. Mais là, tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que ça va être très, très, très surprenant à voir. Marc, je te remercie beaucoup. On s'en reparle bientôt.